D'abord, j'aimerais que tu puisses te présenter avec un peu ton parcours d'avant service civique. Alors du coup, je m'appelle Amy Dupré et je suis en service civique à la MJC depuis 1er novembre. Et du coup, ma mission s'arrête dans 2 semaines, le 30 juin. En fait, ma mission du coup a consisté à faire de la médiation culturelle auprès des jeunes du territoire, c'est-à-dire de les rapprocher en fait des structures culturelles comme la MJC, mais aussi le Théâtre du Préau ou d'autres partenaires, sur des événements comme le Festival Ado, le Festival Éclairez-vous qui a été organisé par la MJC, le Festival du Jeu, puis aussi de les ramener vers nos accueils comme le local jeune. Actuellement. Voilà, où on est actuellement. Waouh! Voilà. Comment est-ce que toi tu as connu le service civique et pourquoi tu as voulu faire? Alors, le service civique, c'est quelque chose auquel je me suis intéressée en fait, on va dire en début 2018, parce que du coup j'étais en terminale au lycée Marie Curie et que je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. Je me voyais pas forcément partir en études parce que il y avait pas une chose en particulier que je voulais étudier. Alors je me suis dit, ça serait cool de faire quelque chose où je peux acquérir de l'expérience professionnelle. Et c'est là au final où je suis tombée sur le service civique. Puis au début, je voulais vraiment m'orienter dans quelque chose autour de l'éducation. Je voulais faire peut-être un service civique comme dans une école primaire, enfin faire du soutien scolaire, quelque chose comme ça. Puis au final, je suis tombée sur la mission de la MJC, du coup la mission de médiation culturelle. Puis je l'ai lu un petit peu, ça m'a intéressée. Puis j'ai pu rencontrer du coup Xavier Nicolas, le directeur de la MJC. Et à partir de là, non, j'étais assez convaincue par la mission, ça m'intriguait. Je me suis dit, il y a de quoi travailler. Puis c'est cool parce que c'est pas toujours la même chose. Le fait de travailler avec des différents publics, ne serait-ce que dans les établissements différents, comme Curie ou au Val-de-Vire, le collège, c'est pas les mêmes jeunes. Puis travailler sur différents projets, parce que la MJC, elle a plusieurs événements tout au long de l'année, que ce soit des soirées débat ou des festivals comme le Festival du Jeu qui dure toute la semaine. Au moins, ça fait des terrains différents et puis ça bouge, ça fait rencontrer d'autres personnes. Et puis au final, non, c'était une expérience assez sympa. D'accord. Donc tu parlais de projet de la MJC. Est-ce que tu as un exemple concret que tu aimerais un peu mettre en avant, expliquer sur lequel tu as travaillé? Moi, du coup, j'ai notamment travaillé sur du coup le festival Éclairez-vous. C'est un festival qui a eu lieu le 12 juin, un mercredi, où en fait c'est de la valorisation de pratiques artistiques. En fait, l'idée, c'est que ça fait un petit moment que les animateurs de la MJC sont sur le secteur jeunesse et rencontrent du coup différents jeunes, que ce soit par la médiation ou en temps d'accueil pendant les vacances. On s'est rendu compte que ces jeunes-là, ils avaient des talents et qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de pouvoir les montrer sur scène. Puis du coup, on voulait créer un moment où tous ces jeunes-là pouvaient se réunir pour du coup échanger et puis partager leurs expériences, puis aussi du coup se produire sur scène. Et puis dans des conditions professionnelles, c'était assez sympathique de se dire on pouvait leur donner cette opportunité-là. C'est pour ça que ça avait lieu à la halle Michel Drucker. Et oui, du coup, là, cette année, on a réuni à peu près 45 jeunes, ce qui est assez chouette, quoi. Avec de la danse, du chant, du graphe, de la magie, un groupe de rock, de la gymnastique, enfin, plein de disciplines, et le but étant de valoriser les différentes pratiques artistiques de chacun. Puis du coup, on a fait 4 heures de spectacle, ce qui est assez sympa, et puis on a réuni à peu près 150 spectateurs. 150-200 spectateurs. Donc ça, moi, c'était mon projet phare de mon service civique. Ce que du coup, j'ai pu parler lors de mes sessions de médiation dans les établissements, quand je vais à la rencontre des jeunes le midi. Et puis, non, c'était assez sympa. Qu'est-ce vu que comme tu disais, dans 2 semaines, ton service civique, il va être terminé. Du coup, qu'est-ce que tu as comme projet après, une fois qu'il sera terminé? J'aimerais bien continuer de travailler dans ce domaine culturel-là. Tout ce qui est projet artistique, projet du coup culturel, ça m'intéresse beaucoup. Moi-même, je suis passionnée de chant et de musique. Et que voilà, j'aimerais bien intégrer une formation autour de ça pour pouvoir faire de l'animation autour du domaine culturel. Forcément, c'est des choses qui sont pas forcément très très concrètes, mais j'aimerais bien poursuivre dans le domaine culturel. Puis l'événementiel, c'est sympa aussi. Et du coup, avec le BAFA, si tu fais tu passes le BAFA, est-ce que tu pourras faire ça? L'idée, par exemple, c'est qu'il y a des formations, par exemple le BPJEPS, Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, où j'ai formé des gens à devenir animateurs professionnels dans un certain domaine. Et là, par exemple, dans le domaine culturel, pour faire des projets autour du théâtre, de la musique, de la danse, voilà, pouvoir mener ce genre d'activité avec des jeunes. Ça, ça pourrait être intéressant. Après, c'est plusieurs choses à voir parce que c'est des formations qui se font du coup en alternance avec une structure où le jeune du coup qui est en train de se former est du coup suivi par une structure. Il faut donc trouver un employeur et puis bon, c'est des formations à voir. Après, ça ne me dérangerait pas non plus de partir faire un volontariat à l'étranger non plus, comme les filles qu'on a à la MJC, Sonia et Marina, faire le corps européen de solidarité. Ça pourrait être sympa. J'aimerais bien partir en Croatie ou en Roumanie, un pays un petit peu plus... enfin, moins connu que, par exemple, l'Espagne, l'Allemagne. Mais c'est pas que c'est des pays qui sont pas développés non plus, mais qui sont culturellement différents des autres, qui sont juste voisins de la France, quoi. Je pense que ça pourrait être sympa. Tu vois, culturellement, ils ont des bons trucs aussi. Parce que quand je faisais du théâtre, M. Leisen, je crois que c'est en Roumanie, je crois qu'il allait de temps en temps, il nous expliquait là-bas, culturellement, la musique et tout, c'est incroyable. Oui, c'est super différent. Et puis, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir être complètement submergé dans une nouvelle culture, que ça soit linguistiquement ou par les pratiques, en fait. Ça pourrait être super intéressant. Mais bon, ne serait-ce qu'il faut trouver une mission intéressante aussi. Il ne faut pas juste partir sur un coup de tête non plus. C'est quelque chose qui doit être un peu planifié, il faut se donner le temps. Mais voilà, il y a plusieurs options à voir après le service civique. D'accord. Donc maintenant, on va passer un peu à autre chose, avec un peu ta pensée sur le tutorat, enfin, le rôle du tuteur. Je trouve que c'est le service civique, du coup, c'est un dispositif qui est bien dans le sens où le jeune volontaire et accompagné du coup sous forme de tutorat. Moi j'ai eu de la chance, je me suis bien entendue avec mon tuteur Wilfried du coup. Et je trouve que l'idée est sympa, l'idée de d'être accompagné en fait, de pas être lâché non plus sur une mission où du coup on est tout de suite considéré comme salarié. C'est pas du tout l'objectif, quoi. Je trouve ça intéressant. Si plus tard dans ton métier, dans le lieu où tu travailleras, il y a des services civiques, est-ce que toi tu aimerais avoir ce rôle de tuteur ou pas? Ouais, c'est quelque chose auquel je pensais il n'y a pas très longtemps justement. Et oui, j'aimerais beaucoup ce genre de situation. Super bien vécu mon service civique. J'aimerais bien du coup le vivre dans l'autre sens aussi, dans le sens du tuteur qui accompagne ce jeune et qui essaye du coup de l'ouvrir sur différentes choses. Et oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, de passer de côté tuteur. Si tu n'avais pas fait cette mission, quelle mission tu aurais vraiment aimé faire si celle-ci n'avait pas existé? Forcément, c'est comme tu disais, c'est rentrer un petit peu dans l'imaginaire, mais moi c'est ce que j'avais dit au début, quelque chose dans l'éducation en fait m'aurait pas déplu. Moi je voulais vraiment faire quelque chose avec la jeunesse, que ça soit des ados ou des enfants. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, puis j'ai besoin du contact avec les autres. Alors oui, un truc dans l'éducation, comme j'ai pu dire, peut-être en école primaire même. Le seul truc avec ça, c'est très répétitif, quoi. C'est la même chose pour les enfants, et puis je pense que à la fin, ça peut devenir peut-être un petit peu lassant. Mais sinon, un truc autour de la musique, peut-être. Je sais pas trop il y a quoi comme mission qu'il pourrait avoir autour de la musique, mais je sais pas. Mais Mathéo, il a répondu ça aussi. Ah bon? Un truc autour de la musique, par exemple, des festivals de musique, des soirées musique, des soirées concerts, être un petit peu acteur, enfin faire de la com sur ces événements-là, et puis organiser des soirées jeunes pour les jeunes qui viennent faire des concerts, essayer de trouver ça m'aurait bien plu aussi, quoi. Vraiment un truc tourné autour de la musique, parce que la musique c'est clairement ma passion, quoi. Pour toi, qu'est-ce que tu penses que le service civique t'a apporté personnellement, comparé vraiment avant que tu commences et... Je pense que vraiment le service civique, il m'a aidé sur un truc super important, c'est que ça m'a beaucoup redonné confiance en moi. Ma terminale à Curie, je l'ai super mal vécu, dans le sens où je me suis retrouvée juste submergée par tout, complètement perdue dans ce que je voulais faire plus tard. Et le fait de me dire ok, Amy, tu vas décider de faire quelque chose d'autre, tu vas te poser un petit moment pour réfléchir, ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment, aux choses que j'aimais vraiment, Et bah justement, ça serait pas arrivé sans le service civique. Parce que si j'avais été toute seule chez moi pendant un an, au final, ça m'aurait pas éveillée à autant de réflexion que là. Parce que j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes avec lesquelles j'ai pu discuter sur plein de projets de formation, sur plein de parcours professionnels qu'ils ont pu avoir. Et je me suis rendu compte qu'au final, mais c'est pas, on peut très bien commencer à faire une chose dans la vie et se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut, ou c'est plus ce qu'on veut aussi. Mais oui, le service civique m'a beaucoup redonné confiance en moi et m'a montré que bah j'étais capable de belles choses, et puis ouais, ça c'est cool. Puis en plus de ça, voilà, j'ai rencontré tout un nouveau réseau de jeunes qui sont dans la même situation que moi, qui sont pas forcément en études, qui sont jeunes, et que ça soit toi ou les autres services civiques comme Mathéo ou Molly ou n'importe, on a tous des parcours différents, et puis je pense que c'est intéressant de créer ces réseaux-là. Puis en plus de ça, par exemple, les filles comme Sonia et Marina, c'est super de s'ouvrir culturellement sur d'autres parcours aussi. Je trouve ça chouette. C'est ça ce qui est bien avec la MJC. C'est que c'est plein de gens avec des parcours différents qui sont super enrichissants les uns que les autres. Quel souvenir tu vas garder de ta mission ? Le souvenir, c'est... Il y a eu tellement de bons moments. Il y a eu très peu de moments, de mauvais moments, si on peut dire, même si c'est pas vraiment des mauvais moments. J'avais beaucoup aimé la sortie qu'on a pu faire pendant les vacances d'hiver avec Olivier, quand on était du coup animateur sur le secteur jeunesse. On allait au mémorial de Caen, puis c'était une sortie super enrichissante pour les jeunes et pour nous, parce qu'on a pu voir les jeunes aussi sous un angle différent, les voir sous un angle plus réfléchi, pas à dire que quand ils sont en vacances ils réfléchissent plus, mais c'est vrai qu'on a fait des ateliers autour des affiches de propagande, ce genre de choses. J'étais super fière du travail qu'ils avaient pu faire. J'étais super heureuse. Bon, éclartez-vous, c'est pareil, c'est le moment, c'est l'aboutissement de tout mon travail sur 8 mois. C'était super chouette à voir, et puis les jeunes, ils étaient ravis. Ils étaient ravis du spectacle, ils étaient super heureux. Ils venaient me voir pour me dire que j'avais fait du bon travail. Mais même eux, ils étaient juste super heureux d'avoir pu faire leur petit spectacle et d'être en coulisses avant. C'est des rêves de jeunes qui veulent devenir des stars, quoi. Ils ont été bien accompagnés, que ce soit par les autres salariés de la MJC et aussi par les bénévoles comme Jocelyn et Nils. C'était vraiment top. Il y a eu tellement de beaux moments. Les vendredis soirs au local jeune avec nos jeunes de Maupas, c'est super sympa aussi, parce qu'ils sont super heureux d'être là et d'avoir leur coin, et puis bon, ils sont contents de partager des choses avec nous, avec les animateurs. Non, c'est chouette, tout est chouette. Je réfléchis à plein de trucs, mais il y a tellement... Non, mais c'est vrai, c'est pas cucu, ça a vraiment été une superbe expérience, et que du coup, je garde plein de beaux souvenirs et de belles rencontres aussi. C'est pas que des souvenirs, ça passe plus par les rencontres. Que ça soit aussi avec les gens du Préau, parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé avec le théâtre du Préau. Je pense à Clémence ou Juliette. Au final, c'est des expériences et des rencontres hyper enrichissantes, et que je veux garder dans le futur. Si on peut retravailler ensemble, ça serait chouette. C'était l'interview de Florian, service civique à la MJC en web radio. Et Émile Dupré, bientôt ancienne service civique médiation culturelle à la MJC de Vierne-Normandie.